Chapitre 12. L'enfant breton. Tout comme l'enfant Jésus, le bébé morbihanais vient au monde sur de la paille fraîche. À peine lavé et emmailloté, on le conduit à l'église pour demander au prêtre d'en faire un chrétien. Les voilà tous, parrains, marraines, parents, voisins, convoqués à la hâte et vivement endimanchés. Le nouveau-né en tête, il déambule le long des chemins creux et à travers champs et landiers. Qu'il pleuve ou qu'il neige, n'importe, le frêle nourrisson brave toutes les intempéries, car, suivant la coutume ancienne, le baptême ne doit pas être différé. Pendus de toute leur force aux longues cordes, les gars robustes sonnent à toute volée. Les cloches sonores réveillent le bourg somnolent et se répandent par la vaste campagne. Les sonneurs carillonnent à perdre le souffle, pendant que dans l'église le petit chrétien pleure et crie sous l'eau lustrale et refuse le sel de la sagesse. On lui donne pour patron un de ces vieux saints de la légende venus d'Irlande, ou bien on l'affuble d'un ridicule prénom, Convoyon ou Onésime. En face de l'église, un gui avec des pommes enfilées à une branche indique l'auberge. Les gens du baptême boivent copieusement à la santé du nouveau-né et, le soir venu, ils trébuchent dans les ornières et s'endorment dans les fossés. Il arrive même que la nourrice oublie son nourrisson, mais la providence veille et tous, ivres et joyeux, regagnent le logis où la maman déjà levée prépare les crêpes et le lait pesé. Couchée dans son lit clos, la maman écarte les panneaux et balance doucement le ber de son petit posé sur le banc. Le ber, comme on dit encore en Morbihan, tout comme au XVe siècle, était autrefois chez les paysans aisés un délicieux petit meuble, sculpté, guilloché, ajouré de fuseaux. Il était la note attendrissante de ses intérieurs sévères, parmi les lits fermés comme des tombes et les lourdes armoires. Pendant plusieurs mois, le bébé breton subit le supplice du maillot. L'emmaillotage diffère suivant les régions. À Plougastel d'Aoulas, le pays des couleurs violemment contrastées, il consiste en bandes de laine tricotées, ornementées de franges et de dessins bariolés. Ces bandes recouvrent les langes et s'enroulent étroitement autour du bébé qui, raide et solidement ficelé, paraît une momie sous ses bandelettes. Cet emmaillotage est très compliqué, aussi la maman occupée ne peut-elle le défaire souvent. Je laisse à penser ce que cette originale enveloppe recouvre. Un bonnet de velours ou de drap emprisonne étroitement la tête de l'enfant. Blond, rose, leurs grands yeux bleus pâles ouverts dans des faces souriantes, leurs menottes potelées offertes, comme ils sont gentils, les bébés bretons. Quand vous en apercevez un sur les bras de sa mère, vous vous approchez avec le désir de le caresser et, au moment d'approcher vos lèvres, vous reculez malgré vous, les joues sont barbouillées. Le bonnet rejeté laisse voir parmi les cheveux blonds une croûte épaisse. La petite robe est souillée de bave entre les plis des poignets des raies noires zèbrent la peau et une telle odeur se dégage du pauvre petit être qu'une nausée vous éloigne de lui. Le tableau n'est malheureusement ni trop noir, ni exceptionnel. Les bébés ne prennent jamais de bain. À peine si un gros torchon débarbouille leur frimousse. Les langes sont rarement changées. Leurs robes en laine ne sont jamais lavées. Beaucoup même n'ont pas de bavette et leur menton délicat s'écorche sur l'étoffe humide. Le bébé se nourrit de gigourdaine, sorte de bouillie de blé noir délayée dans du lait. Dès la seconde année, il boit du cidre, mange des pommes de terre et de la soupe qui coûtent moins cher que le lait. Je dois dire qu'il ne s'en porte pas plus mal, car triomphant de la crasse et de la nourriture médiocre, l'air vif de la mer ou de la lande dilate la jeune poitrine et développe les muscles. Nourri au sein et plus tard au biberon, le bébé prospère donc tant bien que mal. Le biberon breton était jadis un ustensile pittoresque et naïf. En faïence grossièrement décorée de fleurs bleues, rouges et jaunes, il affectait la forme d'une petite cruche flanquée sur le côté d'une tubulure qu'on introduisait dans la bouche du bébé. On l'appelait « crawl ». Le biberon Robert tend à remplacer ce récipient primitif, mais au fond des campagnes, l'on voit encore la crawl en terre, sorte de gourde dont le goulot est entouré d'un linge afin d'empêcher le lait de couler trop fort. Bientôt après sa naissance, le bébé participe à la vie de la maison. Il ne tient pas encore sur ses jambes, mais sa mère l'étend sur sa courtine, dans l'étable quand elle traite les vaches, dans la cour quand elle jette le grain aux volailles. Les jours d'été, à l'ombre des pommiers, elle installe le ber dans le courtil, file la laine ou le chanvre et, de temps à autre, à l'aide d'une corde, berce son bébé. Il suffit pour qu'il soit sage d'un objet sonore, vieux plat de fer ou cuillère de bois. Assis sur la pierre de la vaste cheminée, comme l'on prépare le repas, il se barbouille de suie et grignote un fruit vert qu'il vient de saupoudrer de cendre. La mère va et vient du puits à l'étable, de la maison au cellier, un enfant sur son bras, le posant à terre et le reprenant, sans cesse gêné dans son travail, mais sans murmure pour ses maternités annuelles qui déforment son corps et remplissent sa vie. Parfois même, la maman en tient deux, faisant de ses bras lacés une corbeille où se blottissent les jumeaux. Dans les familles où vit un vieillard, la garde de l'enfant lui est confiée, et ces deux êtres, chacun aux extrêmes limites de la vie, se tiennent compagnie, le bébé déjà grave et l'ancien presque un enfant. La maman bretonne, aussi pauvre, aussi simple d'esprit soit-elle, tout comme la maman des villes a la coquetterie de son enfant. Le dimanche et les jours de fête, elle le revêt d'une robe compliquée, presque toujours une réduction du costume maternel. Le dimanche, en Bretagne, est le plus grand jour des ablutions, mais pour être dans la vérité, je dirais que ces lavages ne dépassent pas le cou et les poignets. Ce jour-là, les petites têtes sont soigneusement épouillées jusqu'à la semaine suivante. Cela fait, on procède à la toilette, et les habits de drap fin et les coiffes d'une blancheur idéale recouvrent des corps et des têtes jamais lavées. Nulle part comme en Bretagne ne se remarque la libre fantaisie des costumes, l'étonnante variété des couleurs et des formes. Au pays de Quimper, les fillettes sont vêtues de robes en lainage bleu de ciel recouvertes de dentelles blanches. La taille longue et rigide fait songer aux infantes de Velasquez, tandis qu'une jupe à vertugadin bouffe autour des hanches. Un bonnet de velours du même bleu, garni de paillettes et d'aigrettes argentées, coiffe les têtes blondes. Ainsi attifées dans leurs robes d'apparat, les fillettes semblent de grandes poupées Louis XIII. La culotte est inconnue du petit Breton. Dès qu'il quitte la robe, il porte comme son père un pantalon de drap et un chupen galonné de velours. À Pont-l'Abbé, comme à Plougastel d'Aoulas, les bonnets à quartier sont faits de velours rouge, émeraude, bleu et ornés de rubans brodés d'or et d'argent et de fleurs éclatantes. Des fichus d'indiennes criardes recouvrent les épaules et se croisent sous des tabliers d'une nuance vive. À Plougastel, les garçonnets revêtent le pantalon de toile blanche et la veste bleue de roi aux boutons argentés. Au Pardon de Kelvin, j'ai vu la plus drôle collection de petits hommes que l'on puisse imaginer. Qu'on se figure des bambins de 3 et 4 ans, les jambes enfouies dans un laid pantalon à pont et pattes d'éléphant, et vêtus d'une blouse courte et si raide qu'il eût semblé qu'un cerceau la tenait éloignée du corps. Ces enfants avaient ainsi des silhouettes de toupies. D'autres gamins portaient des blouses en lainage grenat, vert ou brun, brodées de passementeries et de galons de jais. Le classique chapeau breton, de la même nuance que la blouse, s'agrémentait de plumes de poulet et de petits miroirs. La gentillesse de ces petits hommes les sauvait du ridicule. C'était leur jour de fête à eux, car les enfants paysans ne connaissent pas les gâteries et les bonbons. En l'honneur du pardon, moyennant quelques sous, ils peuvent satisfaire leur gourmandise avec quelques prunes ou une tranche de phare. Oui, dure est la vie du bébé breton. Aussi, la mortalité infantile atteint-elle jusqu'à 50% dans certains cantons prolifiques. Un bébé meurt, l'année suivante un autre le remplace dans le berceau vide. Que d'enfants estropiés parmi ceux qui survivent, jambes torses, hanches démises, colonnes vertébrales déviées. Le rebouteur a bien passé par là, mais ce chirurgien de campagne n'a pas toujours la main heureuse. Sur le littoral, la mine éveillée et l'air hardi et entreprenant du bébé marin vous frappent. Il ne redoute rien. Il gravit les rochers, glisse sur les goémons, se taille des bateaux au couteau et pêche les coquillages. Quand il aura quelques années de plus, il sera mousse, puis novice et marin comme son père. Le petit paysan est plus silencieux, plus sauvage. Timide et craintif, il vous regarde un doigt dans sa bouche, l'autre main dans sa poche, sans oser vous souhaiter le bonjour. Il s'enhardit jusque-là, il le fait d'une façon charmante, avec une voix où il y a des larmes. Les premiers mois, il s'amuse d'une vieille casserole ou d'un cercle de barrique. Dès qu'il peut courir, il manifeste son goût pour les exercices fatigants. Son père lui confectionne une voiture. Ce véhicule est le dernier mot du primitif. Deux rondelles de bois, une traverse et un brancard. Attelé par une corde, le petit garçon s'exerce au métier de cheval. Son frère ou sa sœur tiennent les guides et le fouettent s'il rue. Ce jeu suffit à les distraire des journées, des années entières. Ils usent en semaine de vieilles robes longues et des chapeaux défoncés que leur ont légués leurs aînés. Comme ils se roulent dans le fumier, de belles taches de purin font ressortir avantageusement les tons fanés de l'étoffe. L'enfant breton pleure souvent, mais, comme on ne le console guère, ses douleurs sont brèves et il essuie vite ses larmes d'un revers de manche. Les petits villageois hantent les cimetières fleuris et embaumés leur paraissent de merveilleux jardins. Familiers avec les morts, ils s'assoient sur les tombes, se penchent sans crainte sur les ossuaires et se battent quelquefois avec un fémur ou un tibia trouvé dans un coin du charnier. Dans les endroits où le breton est resté intact avec les qualités de sa race, l'enfant révèle une exquise délicatesse. Au cours de nos promenades, bien souvent nous avons eu pour guide des bambins qui refusaient énergiquement les quelques sous que nous leur offrions. Ils nous accompagnaient par plaisir, assurait-il. La distinction et la finesse intelligente des petites filles, leurs gestes précieux vous frapperont toujours. Ces enfants feraient, à n'en point douter, de gracieuses créatures. Mais à la campagne, après un an de mariage, la femme en l'est dit, se déforme et surtout s'abandonne. L'étincelle qui brillait sur la jeune vierge s'éteint sous les cendres que la monotone dureté des jours amoncelle sur sa tête.